Franco, d'Ouiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 25 juillet 2022, voici les grands titres de cette édition. Le président de la République souhaite que les pays de l'EAC s'exécutent en envoyant des troupes en République démocratique du Congo comme ils en ont pris l'engagement. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré samedi de retour du 22e sommet des chefs d'État de l'EAC qu'il préside aujourd'hui. Et des citadins demandent au gouvernement d'accélérer le processus de construction d'un centre commercial pour remplacer l'ancien marché central de Bujumbura. Certains d'entre eux disent que cette promesse a été mise aux oubliettes. C'est le président de l'Association pour la réconciliation et la gestion du passé au Burundi demande que le site des personnes déplacées internes de Bugendana soit une 23e colline de cette commune. Mais l'administration lui répond par la négative. Notre correspondant se rend en ligne pour les détails. Et en actualité sous-régionale, la République démocratique du Congo accueille ce lundi 25 juillet 2022 le sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Le président de l'Association pour la réconciliation et la gestion du passé au Burundi, à Gerbourg, en abrégé, demande que le site des personnes déplacées internes de Bugendana soit une 23e colline de cette commune. Il l'a dit cela ce dimanche lors des cérémonies de commémoration du 26e anniversaire des massacres de 1996 dans le district. Cependant, le secrétaire exécutif permanent de l'administrateur communal de Bugendana répond par la négative, invitant plutôt les déplacés internes de Bugendana à s'installer dans un village de paix en cours de préparation. Gérard Nibigira. Le président de l'Association pour la réconciliation et la gestion du passé au Burundi, à Gerbou, en abrégé, composé en majorité par les rescapés des massacres du site des personnes déplacées internes de Bugendana, M. Pascal Nahumvukiye, fait savoir que, comme les ténèbres ont été amenées en commune Bugendana par certains de ses filles et fils, même la lumière y sera introduite par ceux-là même. Là, il cite les habitants éparpillés sur 22 collines composant la commune et les déplacés internes du site de Bugendana, un site qu'il dit avoir tant réclamé qu'il soit la 23e colline de la commune Bugendana, mais en vain. Il a dit cela ce dimanche lors des cérémonies de commémoration du 26e anniversaire des massacres effectués dans ce site en juillet 1996. Cependant, le secrétaire exécutif et permanent de l'administrateur de la commune Bugendana, Sol Nakarutimana, dit que le site des personnes déplacées internes de Bugendana ne peut pas devenir 23e colline de la dite commune. Cela parce que ça serait une façon de diviser et stigmatiser les gens, à savoir les déplacés internes d'un côté et les personnes restées sur les collines d'un autre. Il précise plutôt qu'un village de paix est en cours de préparation et qu'il sera implanté à la colline Tcharire de la commune Bugendana. Ainsi, il invite toutes les personnes qui le veulent, dont celles vivant dans le site des déplacés de Bugendana, de venir massivement s'installer dans son village. Sachez que le site des personnes déplacées internes de Bugendana comprend 685 ménages. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Le chef du site des personnes déplacées internes de Bugendana, Oswald Niramheba, demande à l'État et à toute âme charitable de venir en aide aux déplacés de ce site en réhabilitant leur maison. Il dit cela après que des récentes pluies mêlées de grêle ont beaucoup endommagé les tôles couvrant leur maison. À propos, le secrétaire exécutif permanent de l'administrateur de la commune de Bugendana, Saoul Nakarutimana, a dit que cette demande dépasse les moyens de la commune, mais lui aussi réclame l'intervention de toute personne intéressée ou qui a pitié envers les déplacés. Le site des personnes déplacées internes de Bugendana compte 685 ménages. Je vous le disais dans les titres, les pays de la communauté est-africaine qui se sont engagés à envoyer des troupes en République démocratique du Congo sont appelés à s'exécuter. Un appel du président burundais, président en exercice de l'EAC, pour une année. Et il était de retour samedi du 22e sommet ordinaire des chefs d'État de cette communauté. Les participants à ce sommet ont en outre apprécié positivement les constructions des routes interpays. Suivez-le. Sur les questions de nos relations, on a analysé plusieurs secteurs, mais spécialement, vous savez où se trouve notre esprit, notre cœur, c'est la construction du chemin de fer que nous devons faire ensemble. J'ai trouvé que la Tanzanie est déjà en avance. Elle a déjà dépassé d'ailleurs les villes de Dodoma. Nous attendons qu'on arrive tout près du Burundi, là où nous allons commencer. Mais entre-temps, on a terminé les études et maintenant on a déjà préparé les termes de référence pour la selle au marché de construction. Dans un proche avenir, on va alors là, c'est l'appel d'offres. Si je reviens sur la session, il y a une question très importante qu'on a traitée, c'est la question de paix et de sécurité dans la région. On a trouvé que tous les pays sont stables, mais que nous avons un membre qui est toujours dans l'instabilité, c'est la République démocratique du Congo. Et on a recommandé que tous les pays envoient dans les plus brefs délais leurs troupes, parce qu'on a déjà maintenant, on a réparti nos troupes, et maintenant il ne reste qu'à être sur terrain. Même le gouvernement congolais a exhorté tous les chefs d'État de le faire le plus rapidement possible, mais aussi de continuer les négociations entre les parties prenantes de la République démocratique du Congo. Et on a trouvé que le dialogue avance bien. C'est pour cela qu'on a décidé que le président Uhuru Kenyatta soit le facilitateur dans ce processus et qu'il va rapporter à la région. C'était le président de la République, Évariste Ndayishimiye, 13h02 à Bujumbura. La suite de ce journal, je vous le disais également dans les titres, certains citadins qui exercent leur commerce dans les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura souhaitent que l'État burundais honore son engagement pour la construction d'un nouvel espace commercial à cet endroit, estimant que c'est une perte pour le pays que de garder sans activité un endroit aussi stratégique économiquement parlant. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro Sol lundi trouve que l'urgence est d'enlever l'état d'immondice qui s'y trouve. Suivez-les. Nous sommes ravis de ce projet car le marché n'appartenait pas à une seule personne. Mais vous voyez, maintenant il y a des déchets. Il faut que l'État fasse un effort pour mettre en valeur cet espace. Nous sommes ravis de ce projet de construction de cet espace car la mise en œuvre de ce programme sera bénéfique pour la population. Comme ils ont déjà exprimé ce souhait, qu'ils joignent l'acte à la parole afin d'aider la population. Nous tous, nous souhaitons la construction de ce marché, car c'est le développement pour nous tous. La construction du marché central de Bujumbura est bénéfique aussi pour la population. Il est grand temps que ce marché soit construit. Nous avons bien accueilli cette information. Le problème est qu'on ne sait pas à quand le démarrage des travaux, mais ils ont dit qu'ils vont commencer les travaux de construire cet espace de l'ancien marché de Bujumbura. Nous demandons à l'État d'exécuter ce projet. C'était l'homme micro-baladeur de la rédaction. La société mixte de l'État et de l'association des banques et établissements doit être mise en place pour faciliter le projet de construction d'un centre commercial à l'ex-marché central de Bujumbura. Et cela ressort du projet relatif à la construction de ce centre analysé et adopté par le Conseil des ministres de mercredi dernier, où le capital social de l'État sera de 60 milliards et 6 milliards de francs burundais. Et 6 milliards seront libérés pour la première phase. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement Prosper Naugwamiye qui nous a donné cette information, a indiqué que la Banque des femmes et des jeunes ne figure pas parmi les actionnaires. Et l'ex-marché central de Bujumbura a été ravagé par un gigantesque incendie. C'était le 27 janvier 2013. Actualité internationale. Le pape François est en visite au Canada auprès des communautés autochtones. Un peu plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 25 juillet en Tunisie pour un référendum sur la nouvelle constitution, alors que la République démocratique du Congo accueille ce lundi 25 juillet 2022 le sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Évariste Nzikomanyanga pour les détails. La République démocratique du Congo accueille ce lundi 25 juillet 2022 le sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CIAC. La Centrafrique, Sao Tomé Principe et le Tchad seront représentés par leur président, le Burundi et la Guinée équatoriale par leur vice-président, le Congo et le Gabon par le premier ministre, l'Angola par son ministre des Affaires étrangères. Les autorités du Rwanda, en froid avec celles de la RDC, ne se sont pas déplacées et seront représentées par l'ambassadeur en poste à Kinshasa. Selon la présidence congolaise, en plus des questions ordinaires liées au fonctionnement de l'organisation, la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC sera au centre des débats. Un peu plus de 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 25 juillet en Tunisie pour un référendum sur la nouvelle constitution projet porté par le président tunisien Kais Saied. Le vote a lieu un an après la suspension du Parlement qui a ensuite été dissous fin mars par Kais Saied. La nouvelle constitution accorde de larges pouvoirs au président. Celui-ci nomme le chef du gouvernement et les ministres. Il peut les révoquer de façon unilatérale. Le chef de l'État nomme aussi les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le texte s'est attiré les foudres de l'opposition et d'une partie de la société civile. Mais le chef de l'État, élu en 2019, dispose encore d'une solide popularité et une partie des Tunisiens sont déçus des partis politiques, selon nos confrères de RFI. Après le référendum, des élections législatives anticipées sont prévues le 17 décembre de cette année. Le pape François est en visite au Canada auprès des communautés autochtones. À son arrivée dimanche 24 juillet, il a rencontré des chefs autochtones et des survivants des pensionnats à Edmonton, en Alberta. C'est dans cette province qu'avait été créé le plus grand nombre de ces établissements. Jusque dans les années 1990, environ 150 000 enfants, métis ou membres des Premières Nations ont été enrôlés de force dans ces établissements gérés en grande partie par l'Église catholique. Des milliers n'en sont jamais revenus, comme l'a révélé une commission d'enquête. Les enfants étaient souvent victimes de mauvais traitements et de viols. Radio Isanganiro, chronique sport. Les équipes classées premières dans le championnat intercommunal reçoivent différents prix, dont des trophées et des équipements sportifs. Laurent Zeimana, directeur des sports, indique que ce championnat intercommunal est organisé dans le but d'organiser les jeunes non scolarisés afin de les aider à élaborer des projets générateurs de revenus. Charles Makote. Le championnat intercommunal a pour but le rassemblement des jeunes non scolarisés afin de les aider à élaborer les projets générateurs de revenus. Propos de Laurent Zeimana, directeur des sports au ministère ayant les sports dans ses attributions. Il y avait d'autres partenaires qui appuyaient, qui laissaient aussi des messages constructifs. Et c'est le moment pour leur dire merci. Ils ont été à nos côtés pour réussir ce championnat. Et c'est pourquoi les prix ont été diversifiés et des prix intéressants par rapport à d'autres championnats organisés antérieurement. Toutefois, les quatre équipes classées premières dans le championnat intercommunal sont primées différemment. Les communes classées premières de cette compétition, mais quand même ont primé les quatre premières communes. Et la commune classée première, bien sûr, il y a des prix. Il y a une coupe, il y a un jeu de maillot. Cette année, on a eu des partenaires du ministère qui nous ont appuyés. Il y a eu des bas, il y a eu des gants, il y a eu des t-shirt, pourquoi pas, pour les équipes qui ont fait la finale. Et je vous dirais que aussi, on a eu entre autres un partenaire qui a fait signer les équipes des actes d'engagement. Là, on s'engageait pour la paix, pour la sécurité, pour l'amour du prochain. Et donc, ce sont des vertus positives, des vertus olympiques positives et qui sont vécues par le sport. Et c'était l'occasion aussi de découvrir une autre personnalité. L'alignement des joueurs qui ne remplissent pas les conditions par les administrateurs communaux est le plus grand défi qui s'observe dans ce championnat, dit le directeur des sports au ministère ayant les sports dans ses attributions. Les défis sont là. Partout, il y a des compétitions où il y a des prix qui sont mis en jeu. Il y a des défis, il y a des litiges qui s'observent ci et là. Les administrateurs qui se permettent d'engager des joueurs parce qu'ils ignorent s'ils ont été actifs ou s'il n'y aurait pas violation du règlement de la compétition ou carrément, le fond, pour tromper la vigilance de l'auteur et ainsi pouvoir décrocher des prix et être classé premier. Mais comme les joueurs se connaissent, très souvent ce sont les joueurs de notre équipe qui dénoncent les qualités de jeu et les enquêtes, les investigations sont menées et on sanctionne les coupables. Pour bien organiser le championnat intercommunal, Laurent Zeimana appelle les administrateurs à respecter le règlement régissant ce championnat. Quant aux jeunes non scolarisés, il leur conseille de participer massivement dans ce championnat du fait qu'il est bénéfique pour leur autodéveloppement. Ainsi se referme ce journal, mais nos programmes continuent. Merci d'être toujours avec nous cette fois-ci. C'est avec la revue de presse régionale. l'actualité régionale. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue à cette revue de presse régionale. Un patient meurt après le renversement d'une ambulance en route vers l'hôpital de Mulago, écrit le journal de Monito de l'Ouganda. C'était dimanche après-midi, après qu'une ambulance dans laquelle se rendait à l'hôpital national de référence Mulago à Kampala s'est renversée le long de la route Kiegegwa-Mubende, blessant grièvement 5 autres occupants. Joseph Mainuka, âgé de 97 ans, est décédé dans l'accident de la route quelques heures après avoir été référé par l'hôpital Mount St. Mary dans le district de Kasese où il avait été admis à l'hôpital Mulago pour un traitement spécialisé. Un pneu a éclaté avant que le conducteur ne perde le contrôle et qu'il se renverse à plusieurs reprises, selon la police. La force régionale de l'EAC sera une force offensive et non d'interposition, rapporte le journal Okapi de la RDC. C'est une déclaration du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au cours de la conférence de presse conjointe organisée avec son collègue de la communication et des médias, samedi le 23 juillet cette année. Selon Christophe Lutundula, cette force aura pour mission de déloger toutes les forces négatives, en commençant par le M23, en cas d'échec du processus politique. Il plaide pour que cette force régionale soit rapidement opérationnelle. Au terme de leur troisième conclave, lundi 20 juin à Nairobi au Kenya, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est étaient tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Ils avaient aussi appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le Kenya et la Tanzanie peinent à gérer des lignes maritimes, titre le journal The East African. Les plans de relance des lignes maritimes nationales dans le port d'Afrique de l'Est sont confrontés à des retards habituels en raison du manque de capacité à être compétitifs au niveau international. Le Kenya et la Tanzanie ont récemment formé des lignes maritimes, mais peinent à s'établir sans leurs propres navires. L'offre de la Tanzanie de vendre ses navires désaffectés a été une lutte. Peu de personnes se sont présentées pour acheter, ce qui lui a laissé une charge de stockage indésirable. En raison de l'augmentation des coûts d'exploitation, Zanzibar Shipping Corporation, la compagnie maritime tanzanienne, vend aux enchères 3 de ses navires, ne lui laissant aucun des siens. Zanzibar Shipping Corporation, en mai de cette année, a lancé un appel d'offres pour se débarrasser de 3 navires publics, MV Maendeleo, MT Ukombozi et MV Mapinduzi 1. Ces navires sont toujours invendus. C'est par ici que nous mettons en point final à cette revue de presse régionale présentée par Raissa Liliane Inamahoro et Jean-Marie Mayonga. Bonne journée à vous. Actualité régionale.